Chapitre 11e. Kremlin, Palais des Thérèmes, siège de la présidence, 3 janvier. Vladimir Popov portait une très grande attention à l'hebdomadaire satirique Zmei Speriami, le serpent à plumes, qui saisissait la moindre occasion pour le présenter comme Vladimir le Terrible aux yeux de l'étranger. À regarder de près, Popov n'avait rien d'impressionnant. Il mesurait 1m70. Il était trapu et râblé. Seuls ses mollets de cycliste, ses genoux cagneux et ses larges épaules musculeuses trahissaient l'athlète qu'il avait toujours été. Et il inquiétait déjà assez avec ses costumes austères, ses imperméables noirs, pour qu'il faille en rajouter. Grand adepte de sport, ce taureau furieux n'hésitait pas à se lever au petit matin pour un footing autour de l'étang du parc Patriarche et Proudhon, puis pour quelques brasses dans la piscine de la résidence présidentielle. C'était sa manière de se mettre en forme pour la journée. Ce goût pour l'activité physique laissait des traces. Lorsqu'il parlait, pas un trait de son visage ne bougeait, sinon les lèvres. Léonid Kikov, son expert en communication, faisait le maximum pour gommer la froideur russe de Popov par la chaleur feinte des hommes politiques internationaux. Les caricaturistes occidentaux, quant à eux, le croquaient soit sous la forme d'un loup blanc de Sibérie, animal avec lequel il partageait un regard bleu assez intense, soit sous les traits d'un cobra dressé, déployant une langue menaçante. C'est cette vision qui, depuis qu'il savait qu'il allait rencontrer son président, perturbait le sommeil de Koslov. Le scénario était toujours le même. Il était poursuivi par des bêtes, une horde de loups qui le traquaient. Il trouvait refuge dans un arbre auquel les féroces canidés donnaient l'assaut jusqu'à ce que la neige tombe. En cette veille du 3 janvier, il s'endormit encore avec peine. Lorsqu'il se réveilla au milieu de la nuit, il essaya de remplir sa tête d'images agréables. Sa femme, une plage sous les cocotiers, un paquebot le ramenant au pays des rêves. Rien n'y fit. Il se rendormit, mais le cauchemar revint. Il se leva, ouvrit la porte-fenêtre, s'avança sur le balcon et grilla un cigarillo en contemplant Moscou. La rencontre imminente avec le président Popov le tracassait. À 6h30, l'interphone de l'appartement grésilla. Le chauffeur de l'administration présidentielle était en bas. Il attendait Koslov. Les trajets à Moscou pouvaient être toujours très longs, surtout en voiture. La capitale russe était la championne du monde des embouteillages. Au moment de pointe, il n'était pas rare de mettre 2h30 pour effectuer un parcours initialement prévu pour une 60 minutes. On estimait que les moscovites perdaient chaque année l'équivalent d'une semaine de temps de vie dans les bouchons. Les autorités avaient établi un réseau d'héliports aux quatre coins de la ville et créé des mini-tunnels réservés afin de pouvoir circuler plus facilement d'un point à un autre de la cité. La voiture arborait des sbornaïas présidentielles, drapeau tricolore frappé d'un aigle bicéphale. Elle emprunta les itinéraires dédiés et arriva à l'heure prévue aux portes du Kremlin. Le grand et musculeux lieutenant-colonel Kuznetsov attendait le grisonnant Koslov aux épaules tombantes. Il le conduisit, à travers les dédales de la forteresse des tsars, jusqu'au bureau présidentiel, le Saint des Saints, où prenait forme la Russie nouvelle. Ce matin-là, il allait être question de la construction d'un monde nouveau multipolaire, où la Russie rejouerait un rôle de tout premier plan. C'était de cela que traitait le rapport Volkodlak de l'ex-ambassadeur Koslov. C'était de sa mise en application que Popov voulait parler. Dès que Koslov franchit la porte de la pièce, le président, sans lever la tête, lança « Zdravstvuyte, bonjour, Alexandre Konstantinovitch ». Il avait sous les yeux un document ouvert qu'il lisait avec la plus grande attention. Son coude gauche était posé sur le rebord du bureau derrière lequel il était assis. Son avant-bras formait une diagonale jusqu'à sa main qui tenait son menton. L'index produisait un mouvement mécanique d'essuie-glace sur la joue droite parfaitement rasée. Il marmonna. « Bien, bien, vraiment très bien ». Il leva brièvement les yeux, fit un petit signe pour désigner le fauteuil situé face à lui et invitait son interlocuteur à venir s'asseoir. « Très bien, ton rapport, Volkodlak, camarade. Pas de littérature inutile, pas d'envolée lyrique, comme se plaisent généralement à le faire les fonctionnaires russes de ta qualité. Bien, très bien. Il y a là des préconisations simples et une vision d'ensemble qui, je ne te le cache pas, m'a agréablement surpris et séduit. » Il fit une pause, jeta un regard sur les pages ouvertes devant lui, feuilleta à nouveau le rapport et se redressa. « J'ai demandé à Dimitri Kozakov, le Premier ministre, de nous rejoindre. Il ne devrait pas tarder à arriver. Je te propose que nous déjeunions en attendant. » Il désigna, dans un coin de la pièce, une table qui avait été dressée et apprêtée tout spécialement pour que les convives puissent prendre un copieux petit déjeuner. Une soupière datant de la période de la Grande Catherine contenait la traditionnelle katcha, la bouillie de flocons d'avoine. Dans un confiturier, il y avait de la marmelade à la framboise et dans un ramequin blanc, de la crème fraîche, avec des petites crêpes sucrées que les Russes appellent aladi, des blinis. Au milieu de ces mignardises trônait une théière et, comme il se doit sur toutes les bonnes tables des pays slaves, un petit broc de lait et un sucrier. « Mais peut-être, tonna le président, préfères-tu des œufs et de la saucisse, camarade ?» La manière dont le président avait formulé la question imposa Koslov de répondre oui. À peine finirent-ils de se sustenter que le premier ministre se fit annoncer. Dimitri Kozakov, grandi par ses talonnettes, entra accompagné d'un homme de taille moyenne, d'environ 50 ans, le visage imberbe. Il claudiquait et marchait en sautillant comme un oiseau. C'était Léonid Sergueïevitch Kikov, le chroniqueur du président Popov, son expert en communication. Après les politesses d'usage, les deux hommes s'installèrent avec Koslov et Popov dans le salon d'apparat qui jouxtait le bureau présidentiel. Kikov prit son carnet, son stylo et commença à noter. « Passons aux choses sérieuses, » lança Vladimir Popov. « Détaille-nous ton plan pour tes vols Kodlak. » Alexandre Konstantinovitch Koslov se racla le fond de la gorge. Sans se risquer au tutoiement, il dit « En fait, c'est en observant le travail que vous avez fait depuis que vous êtes à la tête du pays que quelques grands principes me sont venus. Le peuple russe n'a jamais connu la démocratie au sens où les Occidentaux la conçoivent. Staline a démontré que le pouvoir d'un seul nous ramenait à des pratiques ancestrales où l'on finit par trouver autant d'ennemis dans le pays qu'à l'extérieur. Les Latins, à travers leur triumvirat, nous ont montré que de trois, ils voulaient passer à deux, et qu'une fois deux, l'un éliminait l'autre pour rester seul et instaurer une tyrannie. Ce n'est bon dans aucun des cas. Plus que jamais, nous avons besoin de souder les Russes de Russie, comme ceux qui sont dans les territoires perdus de l'Empire et qui se sentent abandonnés. La force de votre association, c'est qu'elle s'est constituée par élimination, comme par sélection des grains à travers un tamis. De la dizaine de jeunes apparatchiks que feu le président Boris Lomakine avait réunis autour de lui, les deux à s'être finalement imposés, ce furent vous deux. Aujourd'hui, la création d'une compagnie dont vous avez eu chacun l'idée vous permettra de disposer de tous les atouts pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère. Encore faut-il envisager rationnellement et très scientifiquement ce changement pour qu'il ne vous échappe pas et qu'il atteigne le but assigné. » L'entrée en matière correspondait en tout point à ce que Popov et Kozakov avaient déduit et retiré du rapport de Koslov. Ils étaient satisfaits et voulaient en savoir plus. Le Premier ministre ouvrit l'entretien. « Vous dites que pour doter l'avenir de solides fondations, il faut respecter quatre principes, culture, puissance, protection et perfection. » Kozakov, dont le sens de l'humour n'avait d'égal que la fine intelligence, ne put s'empêcher d'associer ces mots au sigle CPPP et d'indiquer qu'en substituant le C au P et réciproquement, on parvenait au CCCP de la période soviétique. Popov prit la parole. Je me suis plus particulièrement penché sur le volet puissance. Je constate qu'il concerne le renseignement, le contrôle et la défense. Aussi faut-il dans notre compagnie un agent secret qui soit l'interface avec le KGB, un policier de haut rang qui puisse avoir accès à l'appareil policier, un soldat aguerri qui puisse commander l'unité militaire que tu appelles les oboros, combattant d'élite recruté dans l'armée rouge. Koslov avait commencé à dessein son rapport par le volet puissance. Ce thème renvoyait aux sphères d'influence des ministères de l'armée, de l'intérieur, des services secrets. Dans la nouvelle société russe, le KGB était la filière royale, reconnue pour ses vertus d'excellence et de loyauté. Il avait pris la même fonction que l'ENA en France ou Harvard aux États-Unis. Il détectait, formait et formatait les élites de la nation. Par rapport à Oxford ou à Cambridge, le KGB intégrait dans son cursus l'art de tuer ou de manipuler. La quasi-totalité des dirigeants politiques et économiques au pouvoir ou à la tête des conglomérats en était issue. Certains avaient assuré une tâche aux côtés de Vladimir Popov lors de son passage dans les services secrets et dans l'administration de l'ex-président Boris Lomakine. À qui songes-tu pour occuper ces trois postes stratégiques ? Sachant que le président Popov avait arbitré à partir de l'inventaire fourni par le Premier ministre, Koslov émit un avis sur les trois vols Kodlak à retenir. pour la liaison avec le KGB et les agences du renseignement, j'ai pensé au lieutenant-colonel Ivan Kirillovitch Kuznetsov, qui sert d'aide de camp depuis un an. Popov trouva judicieux d'avoir pensé au service de l'administration présidentielle et d'avoir recruté le chef d'état-major adjoint auprès du Premier ministre. Pour la police, poursuivit Kuslov, j'intégrerai la criminologue Marina Alexeyevna Pavlova. Elle est directrice de la cellule antiterroriste du Kremlin. Popov acquiesça. Il n'ignorait pas que cette unité avait été conçue sur le modèle du counter-terrorist unit de la CIA. Il n'interrompit pas Kuslov qui ajouta « Elle a longtemps coordonné, en tant que lieutenant-colonel de police, l'imposant service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins de l'administration présidentielle, le TRACFIN. » Popov connaissait celle que les oligarques appelaient Chucky, allusion à la poupée sanglante d'Hollywood. Il savait avec quelle intelligence elle avait instruit l'affaire des diamants de Namibie, dans laquelle étaient trempés les ministres Ivan Abikachev et probablement un autre dignitaire qui faisait l'objet d'une enquête interne. Le biographe Kikov, assis en retrait et continuant à prendre des notes, connaissait Marina Pavlova. Elle était le personnage le plus téméraire, le plus incorruptible du régime. Elle inspirait un mélange de peur et de respect dans tout le pays. Il l'avait vue au sommet de son art lors du fameux séminaire annuel des ambassadeurs où éclata le scandale namibien. L'auditeur qui veut découvrir la chronique de cette affaire apportée par Kikov, qui soigne la légende de Popov, il peut consulter les archives du Kremlin en annexe au document E. Enfin, côté militaire, dit Kuslov, j'aimerais m'attacher les services du commandant Andrei Verkhoturov, actuellement la tête de deux unités d'élite de l'armée rouge, les Spetsnaz, la section d'intervention, et les Wimpel, le groupe étendard, de la région de Moscou. Il serait parfait à la direction des Oborov, qui regrouperait ces deux commandos. Il aurait la possibilité d'engager ses forces spéciales en soutien des actions décidées. Les trois agents recrutés avaient entre 30 et 40 ans, comme Kuslov le préconisait dans son rapport. Ils pourraient former l'assise d'une génération de dirigeants du pays. Le Premier ministre demanda à passer au volet protection du peuple. « Vous faites allusion, dit-il à Kuslov, au déficit démographique qui frappe notre pays. Vous placez même cette question comme notre principal enjeu en tant que peuple. Selon vous, la Chine, les États islamiques d'Asie centrale et l'Europe ne cessent de mettre en cause nos frontières, montant parfois contre nous nos frères slaves au mépris de notre grande civilisation orthodoxe. Il nous faut, ajoutez-vous, un démographe et un ethnologue qui puisse nous aider à penser notre relation à nos voisins. Le démographe Andrei Alexeyevitch Goïlev est un homme plein de talent, patriote, membre du courant vieux ritualiste de l'Église orthodoxe. Vous aviez envisagé de le faire élire député à la Douma. Il a eu le bon goût de refuser et de rester en marge des mouvements optimistes d'extrême droite qui ont pourtant fait des mains et des pieds pour le récupérer. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ses livres sur les défis démographiques de la Russie et sur le lien habile qu'il établit avec la thématique du panslavisme. Selon moi, conclut Kuslov, il a toute sa place dans le projet que je vous présente. Popov, qui trouva la proposition recevable, poursuivit. Qu'y as-tu en tête pour l'ethnologie ? Kuslov tourna les pages du rapport que le KGB lui avait fourni. C'était un dossier complet sur les impétrants. Il s'arrêta sur la fiche de l'ethnologue Olga Valérievna Gourina. Jolie blonde, cette Olga Valérievna, persifla Popov en contemplant la photographie de la jeune femme. Je me demande si sa mère était aussi charmante à son âge. Le président passait la fiche à Kozakov. Qu'en dis-tu, Dimitri ? Elle est la fille du physicien Valéry Gourine et de Maya Pechlovod, une archéologue, avec laquelle la femme de notre camarade a mené plusieurs campagnes de fouilles quand elles étaient étudiantes. Alexandre Kuslov fit ce qu'il fallait pour ne pas paraître gêné. Il gratifia Popov d'un sourire qui pouvait soit dire « Elle belle femme » ou « On ne peut rien vous cacher, monsieur le président ». Pour ne pas que l'entretien dérive sur l'histoire du brigantin, champ qui avait laissé de mauvais souvenirs à Kuslov, le président Popov enchaîna. « La jeune Olga Valérievna est vraiment brillante. Ce n'est pas pour rien que je l'ai désignée comme déléguée permanente de la Russie auprès de l'UNESCO l'an dernier, et qu'elle en passe de devenir cette année le plus jeune membre du conseil exécutif. » Le premier ministre Kozakov relaya le président pour parler du recrutement suivant. Dans le volet protection de votre rapport, j'ai vu que vous parlez aussi de sécuriser nos approvisionnements en nourriture, en matières premières, en biens de consommation. Vous envisagez le recrutement d'un chambellan qui puisse assurer nos arrières d'un point de vue politique et administratif. J'ai songé à Jafar Abdulovitch Rakhamov. Koslov fixa Kozakov qui attendait une explication. Je n'avais pas d'idée sur le sujet, juste la certitude qu'un tel poste était nécessaire à la bonne marche de l'ensemble, car la relation avec les politiques ne s'improvise pas. Il faut un initié en ces matières, expliqua Koslov. Heureux de pouvoir venir en aide à Koslov et fier de lui montrer qu'il avait une bonne connaissance du potentiel humain dont il disposait, le président reconnut que lui aussi avait pensé aux députés sortants de Birsk. Rakhamov, s'empressa-t-il d'ajouter, vient de terminer son mandat de 4 ans à la tête du Bashkortostan, la République de Bashkirie, où il a fait reculer la corruption et réussi à récupérer, pour les réinjecter dans l'économie locale, 2 milliards de dollars que ses prédécesseurs avaient détournés. Pour les oligarques, c'est l'homme à abattre. Koslov fit remarquer qu'il connaissait Rakhamov pour son rôle décisif dans l'élimination des islamistes de l'Oural du Caucase. Popov alla dans le même sens. « J'ai entièrement confiance en Rakhamov, dit-il. C'est un guerrier dévoué et efficace. Il mettrait sa vie en danger pour moi s'il le fallait. Il l'a déjà fait, d'ailleurs. » Le président glissa à Koslov le dernier communiqué de presse du leader Bashkir. Jafar Rakhamov annonçait la mort d'Omar Tarkhanov, le porte-parole du califat islamique pour la Russie. « Je déclare, écrivait-il, que la traque de Tarkhanov, qui a osé menacer le peuple du Bashkortostan et salir le nom du président Vladimir Popov, s'est soldée par son exécution. Que ceux qui voudraient l'imiter entendent notre message. Nous les trouverons. Nous les détruirons, où qu'ils se tairent. Nous n'attendrons jamais qu'ils viennent à nous pour faire couler le sang de notre peuple. Nous les frapperons sans pitié. C'est de leur sang que se nourrira notre patrie. » Koslov se souvint qu'au festival du cinéma russe d'Honfleur, Rakhamov lui avait fait part de sa volonté d'exterminer Tarkhanov. L'élimination du terroriste musulman, qui avait imprudemment annoncé l'extension du djihad dans l'Oural, se voulait un avertissement pour tous ses élateurs. Le président était convaincu que Koslov serait satisfait d'avoir comme Volkodlak une telle recrue. Jafar Rakhamov est député sortant. Il est très vrai qu'il connaît les partis reculés et instables du pays, reconnut le premier ministre. Il sera le parfait relais et l'antenne des Volkodlak au sein de la Douma et du pouvoir législatif. Il pourra se muer en homme d'action en cas de nécessité. Pour moi aussi, c'est bon. » À cet instant, le téléphone du bureau présidentiel retentit et brisa par sa sonnerie stridente et répétée l'échange entre les 3 hommes. Kikov continua à prendre bonne note. Il travaillait à la légende de Popov. Vladimir Vladimirovitch Popov se leva et, mécontent, prit le combiné. « Da !» dit-il d'un ton glacial, qui laissait transparaître son agacement et son courroux d'avoir été dérangé, alors qu'il avait expressément demandé de ne pas l'être. Kozakov et Koslov se regardèrent. Le président raccrocha. « Je dois vous quitter, » dit-il en colère. « Les veuves noires ont encore frappé en Sibérie de l'Ouest, territoire auquel le Tokaristan est rattaché. Cette Skatine de Fatiaï à Zoruba vient de nous envoyer une de ses gamines. La gosse s'est fait exploser à Barnaoul, dans un cinéma. » Il se dirigea vers une armoire, en sortit un dossier. « La semaine dernière, Marina Pavlova m'a transmis ce court rapport, m'alertant sur cette possibilité d'attentat. Je n'ai pas pris la menace au sérieux. Je m'en veux. La totale impunité qui était de mise pour ces folles au Tokaristan doit cesser. Il faut détruire le repère de meurtrière d'Yazurova. » Suite à l'échange téléphonique qu'il avait eu la veille avec la ministre de la Culture, il n'ignorait plus que dans l'éradication des islamistes, il fallait inclure Youssouf Imadedinov, qui savait jouer les bons camarades quand il venait renouveler son allégeance au Kremlin, mais qui rêvait d'appliquer la charia et de faire un bras d'honneur à Moscou. Après avoir salué ses 2 interlocuteurs, le président se dirigea vers la salle où il était attendu pour une déclaration sur l'attentat perpétré par les kamikazes de Fatia et Azoruba. Il partit, excédé, suivi de Kikov, qui, malgré sa démarche claudiquante, lui emboîtait le pas. L'auditeur qui veut prendre connaissance de la conférence de presse donnée par Popov et que relate Léonid Kikov, qu'il consulte les archives du Kremlin en annexe au document F. Le Premier ministre fit ses excuses à Koslov pour cette interruption. Il lui indiqua que les autres candidatures seraient étudiées le lendemain, à une heure qu'il restait à fixer en fonction de l'agenda du président. en saluant Dimitri Kozakov, qui compensait sa petite taille par le port de talonnettes, Alexandre Koslov se dit « Voilà un Premier ministre qui sait se mettre à la hauteur ». Surtout, il nota que par la plantureuse et pimpante rousse ministre de la Culture, Nadia Vorobyova, il pouvait avoir directement accès au trapu et râblé président Vladimir Popov.